بسم الله الرحمن الرحيم. من يحفظ الحديث الذي مر بنا أمس؟ تفضل. حدثنا مسدد. أحسنت. حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أنس رجل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسين المعلمي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحسنت. الله يبارك فيك يا أبا عبد الله. الله يبارك فيك. من أنت؟ أبو من أنت؟ لا أدري. طيب نشوف لك كنية طيبة. أنت يا أبا حذيفة؟ أنا أبو عبد الله. أبو عبد الله. طيب أحسنت. طيب تفضل. شوف الآن صاحبك قد سن سنة طيبة. جاء بالسند. يلا على البركة من الله. تفضل. نعم. زيد تحفظه يا محمد؟ طيب الكتاب معي. المتن هو يعني ما معك الكتاب تحفظه؟ طيب وانت يا أبا إسماعيل تحفظ الحديث هذا؟ نعم. تفضل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحبني أخي ما يحبني نفسه. أحسنت. وأنت يا عثمان تحفظه؟ تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أحسنتم. لله يضركم. الله يبارك فيكم. طيب يا أخانا أبا إسماعيل، الإيمان هنا لا يؤمن أحدكم، يعني الذي ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما هو مؤمن؟ فإنه مؤمن ولكن ليس عنده كمال الإيمان. أحسنت. Donc celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce qu'on dit que il n'est pas croyant par rapport à ce hadith? أجابنا أخونا الفاضل أبو إسماعيل. Comme quoi, non. Le but visé du hadith, c'est que il n'a pas atteint la foi parfaite. La foi parfaite. Comme l'imam. نعم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب حب الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان. Donc l'imam al-Bukhari, il a titré en guise de chapitre le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la foi. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit dans ce hadith de Abu Huraira qu'il jure والذي نفسي par celui qui tient mon âme entre ses mains ne sera pas véritablement croyant ou ne sera pas véritablement croyant l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son propre père ou son propre enfant. نعم. طيب. هذا حديث عظيم. ثم قال الإمام البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليا. نعم ابن عليا عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. ما معنى كلمة حاء؟ تحويل السند. تحويل السند lorsque la chaîne de transmission change. نعم. حدثنا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة شعبة عن قتادة عن أنس قال. Donc là c'est un hadith de Anas. Le premier c'était de Abu Huraira et celui-là c'est de Anas. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم نعم. هذان الحديثان عظيمان وفيهما بيان أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم. وأن الذي ينتفي أو ينقص منه هذه المحبة لا يبلغ درجة كمال الإيمان. نعم. Donc dans ce hadith, on voit que le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la foi. Et que celui qui a un manquement dans cette œuvre, cela ne lui fera jamais atteindre la perfection de la foi. نعم. طيب. هناك سؤال. عندما عندك؟ طيب. محبة النبي. محبة النبي. لذاته أو لماذا؟ Est-ce qu'on doit aimer le prophète صلى الله عليه وسلم pour lui-même, par rapport à son être lui-même, ou pour autre chose? أخونا جعفر قريب. ما قال؟ قال نحبه لعبادته ولكن ألا نحبه لذاته؟ Est-ce qu'on l'aime pas pour par rapport à son être à lui, يعني son être؟ Pour son statut de prophète et messager, pour le comportement et tout ce qu'il a apporté pour la communauté. Parce qu'il est descendu en tant que miséricorde pour l'humanité. طيب, الأخوان, ils se sont complétés là. C'est qui clôt le. Yani, les deux frères, ils sont venus avec quelque chose de جيد جدا. جيد جدا. Jamal, معك شيء. نعم أحسنت, هذا هو الكلام الصح, يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب لنا محبته فنحن نحبه لله عز وجل ولا نحبه لنفسه. Mais on l'aime pas par rapport à son être à lui-même, parce que cette محبة là elle est interdite pour tout autre qu'Allah عز وجل. Il n'y a qu'Allah qui est aimé ou qui doit être aimé pour son être, pour lui-même. عرفت؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم محبته هي لله عز وجل لأجل الله. On l'aime par rapport au fait que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de l'aimer et par rapport au fait que, comme l'ont dit nos deux frères de mérite, par rapport au fait que c'est lui le prophète qui est venu avec des comportements et avec la législation d'Allah عز وجل. نعم. طيب قال الشيخ العثيمين فائدة هذا الحديث فيه دليل على وجوب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على محبة كل أحد حتى على الوالد والولد والنفس. Donc dans ce hadith il y a une indication sur le fait qu'il est obligatoire d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avancer son amour sur l'amour de tout autre. Jusqu'à le fait d'avancer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour du père ou l'amour de l'enfant ou l'amour de sa propre personne. Na'am. والنفس يدخل في قوله والناس أجمعين. يعني lorsque on dit le fait de prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa propre personne, ça, la propre personne, ça rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani que l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, son enfant, et que toutes les personnes. Donc, ta propre personne, elle rentre dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que quand والله إنك لا أحبك لا طيب والله إنك لا أحب إلي من كذا وكذا إلا من نفسي. Donc Omar il a dit au prophète sallam, par Allah tu es plus aimé auprès de moi que ceci et cela, sauf de ma propre personne, sauf que ma propre personne. قال وَمِنْ نَفْسِكَ. يعني le prophète sallam il l'a corrigé en disant yani au contraire, même de ta propre personne je dois être plus aimé. نعم. فَقَالَ وَمِنْ نَفْسِي. Et donc après Omar il s'est soumis juste yani directement et a dit alors tu es plus aimé que ma propre personne. نعم. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عَمَرَ. Al-an, yani maintenant ya Omar, yani maintenant tu as atteint ماذا? Al-iman al-kamil. Naam. Al-an, yani balaghta ila darajat al-iman al-kamil. Naam. Wa kadhalika hadha hadithun azim. Hadha hadithun azim. Le fait ce hadith là de Omar, c'est un hadith azim. Anzur la sarah, la franchise qu'il avait, son compagnon avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou adam al-mujamala. C'est-à-dire, il va parler min sitq. Sitq ma Allah wa ma Rasul. C'est-à-dire, il parle avec une véracité, avec une sincérité. Il vient et lui dit, tu es plus aimé auprès de moi que ceci et cela. Mais pas plus que ma propre personne. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'éduque. C'est-à-dire, il n'a pas blâmé. Il dit, kayf hadha ma shadda alayh. بس قال له حتى من نفسك. Il lui a montré le chemin avec un usloub sahl جدا et avec un hudu ou une sakina ajiba. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, min al-muluk, tu vas lui dire ouais, t'es plus aimé auprès de moi que ceci et cela, mais pas plus que ma propre personne. Il va s'énerver. Mubasharatan. Amma hadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Muhtadin. Naam. Et kadhalik, on profite aussi que Omar, lorsqu'on lui a dit non, c'est pas comme ça, directement, il a dit khalas, tu es plus aimé auprès de moi que ma propre personne. Wa hadha qad yaqul al-wahid hadha sahl, ba nastati' an naqul yani mithl ma yaqul. Hein? Certains ils peuvent dire que bah ouais, c'est facile maintenant, le prophète t'a dit ça, donc toi tu dis ça, c'est facile. Mais c'est pas facile, en vérité. Et que lui, le prophète sallam, il a confirmé qu'il disait la vérité. Parce qu'il a dit « Al-an ya Omar, balaght. Al-an. » Enfin, quand il a dit directement, yani, « Ok, d'accord, aujourd'hui, yani, tu es plus aimé auprès de moi que ma propre personne, takallama bisitq. » تكلم بصدق فأكد له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة عمر. Et donc on voit aussi le grand mérite de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه حيث أنه بلغ الدرجة العلى في الإيمان. Lorsque on constate qu'il a atteint les hauts degrés de la foi. طيب ثم قال فالواجب أن نقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، على محبة الولد والوالد والمال والنفس أيضا. ولكن نعم طيب donc il nous est impératif de faire prévaloir l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم sur l'amour de tout autre, c'est-à-dire que ça soit l'amour de l'enfant, l'amour du père, l'amour de l'argent ou l'amour de sa propre personne. ولكن إذا قال قائل كيف الطريق إلى ذلك. Donc si on demande quel est le chemin pour arriver à l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallam, c'est-à-dire l'aimer plus que tout autre. وما هي العلامة. Et quel est le signe de cela. فقال العلامة فقال العلامة هي أن تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك. Donc le signe que tu vois que tu aimes le prophète plus que ta propre personne, c'est que tu avances l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم sur ta propre passion, tes propres désirs. Tu avances son ordre, son obéissance, sur le suivi de tes propres désirs ou ta propre passion. نعم. فإن هذا أكبر علامة أو أكبر علامة على أن الرسول أحب إليك من نفسك. Car ceci est le plus grand signe que le messager d'Allah, عليه الصلاة والسلام, est plus aimé auprès de toi que ta propre personne. فإذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء ونفسك تهوي أن لا تفعل أو نهى عن شيء ونفسك تهوي أن تفعله ثم خالفت النفس فمعناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك. Donc si le prophète صلى الله عليه وسلم t'ordonne de faire une chose et que ta propre personne ne veut pas faire cette chose-là. Tamam. Ou il t'interdit de faire une chose et ton être intérieur, il veut que tu fasses cette chose-là. Toi, si tu contredis ta propre personne et tu fais ce que le prophète t'a demandé, ceci est une preuve comme quoi tu fais prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de ta propre personne. نعم. وإلا لتبعت هوى نفسك وتركت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. Car si c'était pas le cas, c'est-à-dire si tu n'aurais pas fait prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de ta propre personne, tu n'aurais pas suivi le prophète et tu aurais suivi ta passion. Tu aurais délaissé son ordre. وهذه من العلامات ثم إن الإنسان كلما ازداد استحضارا لمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أعماله وأخلاقه فإنه تزداد محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. Et ça aussi c'est une faïda, que plus la personne elle va avoir la présence d'esprit lorsqu'elle fait quelconque acte d'adoration, qu'elle suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben cela va ne cessera de lui rajouter de l'amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam. نعم فانه تزداد محبته للرسول عليه الصلاه والسلام. يعني لو كنت تستشعر عند الوضوء والصلاه والصيام وغيرها من العبادات انك بذلك متاس بالرسول عليه الصلاه والسلام ومتابع له لكان ذلك ينمي محبتك له. Donc il dit, si tu as la présence d'esprit lorsque tu fais tes ablutions par exemple, ou lorsque tu es en salat, ou lorsque tu jeûnes, ou tout autre parmi les adorations, que tu fais cela en étant en accord avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela aura comme résultat ou produira un surcroît d'amour de ta part pour le prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك في معاملتك الناس بالأخلاق الفاضلة والإحسان إليهم أنك متأسن بالرسول عليه الصلاة والسلام لكان ذلك ينمي محبتك له ويجعلك تابعا له متابعة تامة. نعم. Et pareil ici, le rapport que tu as avec les gens. Si tu, dans ces rapports-là, tu t'enjoins ou tu t'efforces de suivre le prophète sallam, tout, yani dans les bons comportements et dans les bonnes manières, tout cela te rajoutera de l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Wa fil haqiqa hadha al mawdu' yahtaj ila shay' min al bast. Hein, ça c'est un sujet qui demande ou qui nécessite un charh un peu plus long. Et Cheikh Al-Uthaymeen, ma kathar, il n'a pas approfondi, peut-être parce que on va le voir dans un autre endroit, mais Inch'Allah, redan se nukmil charh hadha al-hadith, bi'aunillahi wa bi-mashi'atih, wa ilahuna wa subhanakallah wa bihamdik, wa shahadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.